Depuis tout petit, élevé entre Renoir, Rebeuf, Genois, Ch'danger. La vie, c'est boire la haine, faire de l'étranger. Pourtant, hier, y'avait pas de couleur, c'était cash. Le malin négocie, le fort frappe, chacun s'attache. Pour te dire, j'avais pas qui était antillais, algérien, sénégal et tous de Val de Fontenay. Mais les temps changent, on devient ghetto-terrorisé. On nous apprend à avoir peur de nos preuves aînés. Complexe marre, on se recroque vie sur nos communautés. On a peur d'un voisin, d'une barbe, d'un môme menotté, d'un voile, d'une kippa ou simplement d'un groupe de jeunes, d'un quartier, d'une cité où la mixité gêne. Aujourd'hui, on se trouve trop de bonnes excuses pour se reprocher, mais plus de bonnes situations pour se rapprocher. Je comprends rien, je croyais qu'on était frères de cité, mixité naturelle, prêt à tout exploser. Pourquoi jamais nous ne nous les serions façonnés, mais comme des buts sur une passe, on s'est déchiré. Je comprends rien, je croyais qu'on était frères de cité, mixité naturelle, prêt à tout exploser. Pourquoi jamais nous ne nous les serions façonnés, mais comme des buts sur une passe, on s'est déchiré. On prend trop les médias comme des sources formelles, des cerveaux évoluent comme des légumes dans du formol. On apprécie le caractère de toute une génération sur des journaux scandaleux, au fait du bidon. On en arrive à avoir peur d'un jeune qu'on a vu grandir, à qui on a changé les couches, on a dû grandir. Qu'il était si gentil quand il était petit, c'est sûr qu'avec ses chiens, ses voitures, c'est un drogué, un bandit. À force d'étiqueter, on en perd tout sens éthique. Le coco vire facho, le jeune devient une caille authentique. De plus en plus, c'est le mauvais qu'on sacralise. On dépend d'une sagesse, d'une réussite, sacrée crise secrète, des mauvaises ondes de la violence secrète, prête à confusion et l'on devient se traite. Je comprends rien, je croyais qu'on était frères de cité, mixité naturelle, prêt à tout exploser. Comprends jamais, nous ne nous les serions façonnés, mais comme des buts sur une passe, on s'est déchiré. Je comprends rien, je croyais qu'on était frères de cité, mixité naturelle, prêt à tout exploser. Comprends jamais, nous ne nous les serions façonnés, mais comme des buts sur une passe, on s'est déchiré. 21e siècle, on confond religion, culture, comme énodé, amour. Mais dis-moi quel futur laissons-nous à nos enfants, quand aujourd'hui, pour quelques hommes, c'est des peuples entiers qu'on détruit. Je fais pas de politique, je suis juste un homme de cité, qui a jamais fait la différence entre français et étranger. Je pensais qu'on était tous élevés à la même enseigne, mais quand on ouvre les yeux, coulent les larmes de peine. Comment peut-on détruire tant d'innocence? Comment peut-on punir tant d'innocents? Une pensée impulsive, peut-être pas assez réfléchie, mais c'est la mienne et tout ce qui en réfléchit. Je comprends rien, je croyais qu'on était frères de cité, mixité naturelle, prêt à tout exploser. Comprends jamais, nous ne nous les serions façonnés, mais comme des buts sur une passe, on s'est déchiré. Je comprends rien, je croyais qu'on était frères de cité, mixité naturelle, prêt à tout exploser. Comprends jamais, nous ne nous les serions façonnés, mais comme des buts sur une passe, on s'est déchiré.